Les funérailles de feu Madame du Million, membre du présidium de l'Assemblée populaire suprême, députée à l'Assemblée populaire suprême et présidente du comité central du parti tsundoïste Tsonghu, ont eu lieu le 25 novembre à Pyongyang en funérailles publiques. Y ont pris part des membres du comité funèbre comme Yang Yong-sup, des cadres du comité central du parti du travail de Corée, du présidium de l'Assemblée populaire suprême, du comité central du parti tsundoïste Tsonghu, du comité central du parti social-démocrate de Corée, du comité pour la réunification pacifique de la patrie, du secrétariat du comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie, du comité central de la Fédération des bouddhistes de Corée, du comité central de la Fédération des chrétiens de Corée et du comité central de l'Association de l'Église catholique coréenne, ainsi que la famille de la défunte. La famille de la défunte et les membres du comité funèbre ont observé un moment de silence à la mémoire de Madame du Million avant le départ du cercueil pour le cimetière. La cérémonie d'adieu a eu lieu au cimetière des martyrs patriotes de la commune de Sinmi. Yang Yong-sup, vice-président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, a prononcé l'oraison funèbre qui dit notamment « La vie de Madame du Million montre clairement la noble vérité que la fidélité au grand leader, père de la nation, promet le patriotisme et la réunification authentique, la vie et le bonheur véritable de l'homme. Bien que son cœur a cessé de battre, ses mérites accomplis devant la patrie et la nation resteront à jamais. » Les restes se sont enterrés à côté du tombeau de son mari, M. Cha Dok-sin. La couronne mortuaire du maréchal Kim Jong-un y était déposée. Les couronnes mortuaires au nom du comité central du Parti du Travail de Corée, du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée et du comité central du Parti tsundoïste Tsonghu y étaient également déposées. Tous les participants ont observé un moment de silence à sa mémoire.